Le présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon a adressé le 17 courant la lettre de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du 5e anniversaire de sa promotion au grade du maréchal de la République populaire démocratique de Corée. Le destinataire indique que le dirigeant suprême a développé la patrie en possesseur nucléaire, pays fabricant et lanceur des satellites rares dans le monde, et que par la grande réussite au lancement expérimental de Phason 14 le 4 juillet dernier, il l'a promu en pays détenteur de missiles balistiques intercontinentaux. Il indique que pendant ces 5 dernières années, le maréchal a transformé notre patrie en paradis du peuple, débordant de la primauté des masses populaires, avec les événements légendaires caractérisés par le privilège, le respect et l'amour pour le peuple. Les Coréens au Japon ont finalement exprimé leur confiance qu'ils verront bientôt réaliser leur bonheur en même temps que le rêve et l'idéal du peuple dont la patrie prospère.